Première partie d'une émission à deux volets consacrée à la théologienne orthodoxe Elisabeth Bersigel, décédée en 2005. À l'occasion de la parution du livre Kolgalovski lui a dédié, livre intitulé « Vers le jour sans déclin », je vous invite à suivre cette première partie. Kolgalovski, vous êtes l'arrière-petite-fille du grand théologien Vladimir Lossky, qui est un des trois piliers du renouveau néopatristique dans l'Église orthodoxe avec le père Georges Florovski et le père Jean Meindorf. Votre grand-père et votre père enseignent ici à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, où nous nous trouvons. Et donc, vous venez d'une famille qui, on peut le dire, est engagée depuis des générations dans la vie de l'Église, ici en Occident, en Europe occidentale. Vous n'êtes pas très âgé, mais vous avez déjà eu le temps d'écrire un roman qui s'appelle « Requiem pour un clou » qui a été publié chez Gallimard. Vous avez aussi écrit une pièce de théâtre. Et là, vous venez de publier un livre qui s'appelle « Vers le jour sans déclin, une vie d'Elisabeth Bersigel ». Alors, Elisabeth Bersigel, qui est-ce ? Alors, en fait, j'étais amenée à écrire cette biographie par l'entremise de quelqu'un qui a rencontré Elisabeth Bersigel à la fin de sa vie, puisque Elisabeth est morte en 2005 à l'âge de 98 ans. Et un an et demi avant sa mort, quelqu'un s'est dit qu'il était vraiment important d'aller la voir pour recueillir son témoignage, parce qu'à 97 ans, elle avait toute sa mémoire et elle gardait une vivacité extraordinaire. Donc cette personne s'est dit que c'était le moment ou jamais pour aller recueillir un petit peu ses souvenirs. Et c'est vous qui êtes allé la voir ? Voilà, on m'a demandé si le projet m'intéressait d'aller la voir, d'aller comme ça régulièrement discuter avec elle. Et c'est ce que j'ai fait pendant une année. J'allais à peu près la voir tous les 15 jours, tous les samedis midi, on déjeunait ensemble. Et elle me racontait des souvenirs de sa vie. Elle partait dans différentes évocations. Au départ, donc, je la laissais entièrement libre parce que je la connaissais très peu. Et puis au fil de nos déjeuners, j'ai commencé à un petit peu plus connaître les choses essentielles de sa vie. J'ai essayé d'orienter les évocations. Si vous avez utilisé un magnétophone ? Oui, j'ai enregistré toutes nos conversations. Ah, très bien. Et donc à l'issue d'une année, j'avais une certaine somme d'informations émanant d'elle, donc directement de sa bouche. Et elle est décédée en novembre 2005, donc à peu près un an après le moment où j'ai commencé à aller la voir. D'ailleurs, c'est sans doute volontaire que l'apparition du livre coïncide avec le centenaire de sa naissance. Oui, tout à fait, puisqu'elle est née en 1907 à Strasbourg, en juillet 1907. Et donc Schiltigheim. À Schiltigheim, dans la banlieue de Strasbourg. Ouais. Et on voulait un petit peu marquer l'anniversaire de son centenaire par l'apparition du livre. En dehors des conversations personnelles que vous avez pu avoir avec elle, nous savons qu'elle a laissé un très riche matériel d'archives. Oui, effectivement. Elle a laissé énormément de manuscrits, d'articles, de conférences qu'elle a pu faire, de cours qu'elle a pu donner, et tous les manuscrits de ses livres également. Et ce qu'elle a laissé aussi, ce sont des papiers personnels, des journaux quotidiens qu'elle a pu tenir à différentes époques de sa vie, et une correspondance très abondante. Donc c'est aussi de toute cette matière que je suis partie pour écrire la biographie, en essayant de mettre le maximum de citations qui provenaient directement d'elle, pour avoir vraiment une vue de l'intérieur, pour essayer d'arriver, essayer d'être le plus authentique, d'arriver à cerner le cœur de sa personnalité. Quel travail, parce qu'il y a énormément de choses. Oui, alors j'ai exploité qu'une toute petite partie des archives. Il y a encore énormément de choses à exploiter. Et les archives sont aujourd'hui au monastère de Cheftogne, en Belgique. Et il y a encore beaucoup de choses. Je pense qu'il y a beaucoup de travaux universitaires à faire pour un petit peu dégager toute cette matière qui est très, très riche. Puisque vous l'avez donc finalement bien connue, Comment pouvez-vous la caractériser en tant que personnalité théologienne? Je crois que ce qu'il est important de dire en premier lieu, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, ça, quasiment 100 ans de vie, elle a traversé tout le XXe siècle, de 1907 à 2005. Donc déjà, elle a vécu tous les grands bouleversements historiques du XXe siècle. Et en plus, donc, c'était une personnalité intellectuelle, engagée dans la réflexion de son époque. Une femme qui vraiment réfléchissait sur les nécessités contemporaines. Et à côté de ça, elle avait un caractère extrêmement ouvert à la discussion, très conciliateur et en même temps audacieux. Et peut-être maintenant, il faut dire quelques mots sur les événements clés de sa vie. Je dirais que pour reprendre les grands événements de la vie d'Élisabeth, je m'arrêterai peut-être sur 4 événements principaux. Le premier a lieu entre ses murs, dans cette même église Saint-Serge. Nous sommes en 1928, c'est la nuit de Pâques. Élisabeth, à l'époque, a 21 ans. Elle est jeune étudiante en théologie protestante à l'université de Strasbourg. Et donc à l'université, elle a fait connaissance de 3 jeunes gens orthodoxes qui sont boursiers et qui viennent faire leurs études de théologie à la faculté protestante. Et ses 3 amis l'ont invitée à se joindre à eux pour la nuit de Pâques à l'Institut Saint-Serge. Donc c'est comme ça qu'Élisabeth assiste aux matines de Pâques qui sont célébrées ici même, dans cette église. Et pour elle, c'est une expérience bouleversante. Elle en témoigne d'ailleurs en reprenant les mots des envoyés du grand prince Vladimir qui vont à Sainte-Sophie, à Constantinople. Quand elle m'en parlait, elle disait je ne savais plus si j'étais au ciel ou sur la terre. Et à partir de là, à partir de cet événement, de la rencontre vraiment avec une orthodoxie vécue, elle n'a de cesse que de découvrir toujours plus avant l'Église orthodoxe, la tradition de l'Église d'Orient. Et c'est là qu'elle prend la décision de continuer ses études à Paris. Et donc l'année suivante, elle va venir à Paris, elle va rencontrer toutes les personnalités de l'immigration russe. Et c'est comme ça qu'elle va progressivement venir à s'unir à l'orthodoxie. Donc ça, je dirais, c'est un petit peu le premier événement clé de sa vie. La nuit pascale à Saint-Serge, voilà, en 1928. Oui. Un deuxième événement très important aussi, c'est quelques années plus tard, en 1932, à l'issue de ses études de théologie, elle est amenée... Protestante. Oui, et donc elle a fini sa faculté... licence en théologie. Même sa maîtrise à Strasbourg. Oui. Et donc elle est amenée à exercer un ministère pastoral en tant que pasteur auxiliaire dans une petite paroisse des Vosges, à Villers-Climont. Et elle accepte d'endosser ce ministère pastoral par nécessité, puisque après la Première Guerre mondiale, beaucoup de paroisses étaient comme ça privées de leur pasteur masculin. Donc elle accepte de mener le culte et puis d'avoir toute une action sociale au sein de la paroisse. Et là aussi, c'est une expérience très importante pour elle, sur laquelle elle revenait souvent, parce que je pense qu'elle avait vraiment ce sens pastoral et qu'elle a vraiment pu épanouir ses qualités, ses potentialités dans ce rôle de femme pasteur. Et c'est quelque chose qu'elle va garder, qu'elle va porter en elle toute sa vie. Et c'est donc après cette expérience pastorale à Villers-Climont très importante. Un autre événement clé dans la vie d'Élisabeth se situe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc à l'époque, elle est installée à Nancy avec son mari André Baird, qui est un immigré russe chimiste qu'elle a épousé quelques années plus tôt. Et donc il s'installe à Nancy pour le travail d'André. Elle-même travaille comme enseignante. Et pendant la Deuxième Guerre, un petit groupe de réunions écuméniques se constitue de façon assez spontanée. Donc avec leurs voisins protestants, catholiques, d'autres amis orthodoxes, ils se rassemblent très régulièrement chez les Baird. Et, c'est la famille Majaïski, n'est-ce pas? Notamment les Majaïski, effectivement, le père Elie Méliard. Donc ils se retrouvent très très régulièrement pour des discussions théologiques et pour tout simplement partager le peu de nourriture qu'ils ont, partager leurs angoisses. Et donc cette expérience-là est fondamentale pour Élisabeth parce que c'est vraiment une expérience d'ouverture œcuménique vécue qui lui permet de résister un peu à la dureté des temps. Et c'est ça qui va vraiment l'ouvrir à toute son activité œcuménique postérieure. Et j'en citerai une dernière. En 1959, Élisabeth est amenée à prendre une part très active dans la refondation d'une revue qui s'appelle la revue Contact, qui avait été fondée par Jean Balzon Et par l'entremise d'Elisabeth, cette revue va être un petit peu amenée au cœur de l'orthodoxie, c'est-à-dire diffusée de façon plus large. Il va y avoir un nouveau comité de lecture qui va se constituer, avec à sa tête Olivier Clément, il y aura aussi le père Boris Bobrinskoï, plus tard Nicolas Loski. Et Elisabeth sera un des piliers de ce comité de lecture et va jouer un rôle très très important dans le dynamisme de la revue Contact. Et ça va être vraiment la revue française de l'orthodoxie. Tout à fait. Où vont être proposés énormément d'articles pour réfléchir un petit peu sur les aspects contemporains de la foi. Ce qui était nouveau à l'époque, c'est que ce comité de rédaction était, comme on dit, interjurisdictionnel. Oui, c'était au-delà de tout clivage juridictionnel. Voilà. Et ça, c'était essentiel aussi. C'est ce qui a permis d'avoir cet esprit d'ouverture. Donc voilà un petit peu les quatre grands événements de la vie d'Elisabeth qui, je pense, éclairent ces différentes orientations, ces différentes implications dans les domaines auxquels elle a consacré sa vie. Le 14 mars 1998, s'est tenu le colloque Vladimir Loski à l'Institut Saint-Serge pour commémorer le 40e anniversaire de son décès. Elisabeth Bersigel évoqua son amitié avec Vladimir Loski et la jeunesse orthodoxe de l'époque. Je suis arrivée à un âge où je trouve qu'on doit se taire. La seule raison qui justifie ma présence ici, c'est la profonde amitié qui m'a unie à Vladimir et à Magdalena, son épouse inséparable de lui, pendant plus de 30 ans. Nos destins se sont croisés et liés dans le cadre de l'émergence difficile, tâtonnante, jalonnée de conflits, d'une orthodoxie en Occident, d'une orthodoxie occidentale, où, croyant, nous avons vu la volonté du Dieu amour qui écrit droit avec nos lignes courbes, de l'émergence de cette orthodoxie occidentale, Vladimir Loski a été le visionnaire et, avec d'autres, l'artisan. Avec d'autres, je pense à ceux que j'appellerais les garçons russes de cette époque que j'ai connus et qui étaient mes contemporains. De cet aspect de la vie et de l'œuvre de Vladimir Loski, il est relativement peu question dans les articles qui lui ont été consacrés. Ça m'a frappé quand j'ai relu précisément dans la perspective de notre colloque le cahier que lui a consacré la revue Contact. C'était, je ne sais pas plus, c'est Contact, oui, numéro 106. Il est question de l'engagement de Loski dans l'aventure de l'orthodoxie française comme en passant, comme s'il s'agissait d'un épisode, en quelque sorte, de jeunesse, une étape dépassée par le théologien parvenu à la pleine maturité. Or, il me semble que cette présentation est inexacte. Vladimir est toujours resté fidèle à cette vision où nous avons communié. Aujourd'hui, c'est-à-dire en cette date 1998, c'est l'anniversaire, le 70e anniversaire de la fondation de la première paroisse orthodoxe française à Paris, ici à Paris. Et c'est dans le contexte de cette fondation que Vladimir, Magdalena et moi, mon mari, nous nous sommes rencontrés, nos destins se sont croisés et liés. Je voudrais dire tout de même un mot du rôle joué par Vladimir Loski dans un texte qui reste encore maintenant, il me semble, le manifeste de l'orthodoxie. Un texte publié par le père Lev Gillet dans le deuxième numéro du bulletin paroissial de cette première paroisse française. C'était donc en 1929. Et certainement, Vladimir Loski, qui était son principal interlocuteur de la part justement des jeunes Russes qui l'aidaient, n'est pas étranger à ce texte. à la rédaction de ce texte. D'emblée est affirmée l'unité dans la diversité de l'Église orthodoxe universelle. Église qui tient à ce que chacune des églises sœurs qui la composent vive sa vie propre avec sa langue et ses traditions. La fondation d'une modeste communauté orthodoxe francophone revêt dans cette perspective une signification profonde. Elle atteste que l'orthodoxie n'est pas byzantine ou slave, mais universelle. Il appartient aux orthodoxes occidentaux de créer un type d'orthodoxie propre à l'Occident qui, par un retour aux sources traditionnelles locales, pourrait sur certains points différer notablement du type oriental. Est-ce que ces quatre événements montrent déjà la variété des fréquentations d'Élisabeth, oui, et le fait qu'elle était d'emblée, pour ainsi dire, connue dans des milieux assez divers. Tout à fait. Je pense qu'il y a deux grands milieux dans lesquels elle a joué un très grand rôle. D'une part, naturellement, le milieu orthodoxe, particulièrement en Europe occidentale en premier lieu, mais aussi dans le monde entier, parce qu'elle a eu quand même un rayonnement assez mondial du fait de ses nombreux voyages. Donc elle a comme ça joué un rôle très très important dans l'implantation de l'église locale en France, notamment aussi au sein de la paroisse de la Trinité, qu'on appelle la paroisse de la crypte, rue d'Arru, oui, où là elle a été marguillière pendant de nombreuses années. Elle a toujours été très très dynamique dans cette paroisse. Et aussi dans le milieu œcuménique, puisque du fait de son histoire, du fait qu'elle était d'abord luthérienne, qu'elle a été proche quand même de beaucoup de catholiques, elle a été amenée à vraiment s'investir dans le milieu œcuménique, notamment au sein du Conseil œcuménique des Églises, au sein de l'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Elle a été vice-présidente de l'ACAT à partir de 1981. Elle s'est aussi beaucoup investie dans ce qu'on appelle le Fellowship Saint-Alban et Saint-Serge, qui est une fraternité anglaise pour le dialogue entre les anglicans et les orthodoxes. Là aussi, tous les étés, elle allait aux conférences du Fellowship et elle a été très présente là-bas. Et plus largement, Élisabeth était très présente dans énormément de rencontres œcuméniques, que ce soit le dialogue orthodoxe-protestant. Elle a aussi fait de nombreuses conférences au centre de Tantour en Israël. Elle a été au collège dominicain à Ottawa. Elle a fait des cours à l'ISEO, donc qui est l'Institut supérieur d'études œcuméniques. À Paris. À Paris, oui. Donc elle a eu vraiment un impact très fort dans les milieux œcuméniques également. On pourrait peut-être ajouter aux quatre moments décisifs que vous avez nommés tout à l'heure, le cinquième fait, qu'elle a déménagé de Nancy à Paris après, oui, le décès de son mari, et que là commence toute la période proprement parisienne de ses activités qui ont été particulièrement riches. C'est vrai que c'est vraiment à partir de ces années 70 qu'on va voir Élisabeth sur tous les fronts de la réflexion théologique. Tout à fait. Alors, pour toute cette activité débordante parisienne, elle était évidemment préparée grâce notamment aux rencontres qu'elle avait faites au long de sa vie. Effectivement, sa vie a été une série de rencontres décisives. Et d'ailleurs, quand au début où j'allais la voir, où je lui demandais de me raconter des choses sur elle, elle me disait « mais c'est pas moi qui suis intéressante, c'est les gens que j'ai eu la chance de rencontrer ». Elle disait finalement « ma vie se résume à cette succession de rencontres qui m'ont forgée et qui m'ont apportée ». Et je pense que pour revenir à l'origine de ces rencontres décisives, on peut peut-être parler de cette époque où elle était encore adolescente, à Strasbourg, encore luthérienne, et où elle s'est engagée dans ce qu'on appelle la FUAS, la Fédération universelle des associations chrétiennes d'étudiants. Et là, dans le cadre de la FUAS, elle a été amenée à rencontrer notamment Suzanne de Dietrich, qui est une grande personnalité protestante, qui a profondément marqué Élisabeth. Le pasteur Marc Bögner aussi, elle a pu le rencontrer. Ça, c'est donc l'après-guerre, après la Première Guerre mondiale. Voilà, oui, dans les années 20. Immédiate, oui. Dans les années 20, 25, par là. Oui. Elle a aussi rencontré le pasteur Westphal, donc des grandes personnalités protestantes qui ont aiguisé son désir de s'engager dans l'Église et d'aller vers le Christ. Et après, dans la deuxième période de sa vie, qui a été la rencontre avec l'immigration russe à Paris, là aussi, elle a fait beaucoup de rencontres décisives. à commencer par la personne du père Lev Gillet, qui est un ancien moine bénédictin qui est venu à l'orthodoxie à travers l'uniatisme. Oui, et il était assistant du célèbre cardinal Sieptycki. Oui, en Ukraine. Voilà, en Pologne, en Ukraine. Et c'est comme ça qu'il a fait la connaissance. Et puis, évidemment, il était lié aussi au mouvement de Chevetogne, à l'époque où c'était encore à Amiens-sur-Meuse. Donc l'époque fondatrice. Et cette rencontre est vraiment très importante parce que le père Lev et Elisabeth ont énormément de choses en commun. Déjà, cette vitalité intellectuelle qui les caractérise tous les deux. Ensuite, leur origine française et leur ouverture vers la tradition de l'Église d'Orient. Enfin, leur très grand amour de la tradition orthodoxe par le biais de la Russie. Et donc, la rencontre entre les deux qui se situe en 1928 va être très, très importante pour Elisabeth parce que c'est une amitié qui va la perdurer jusqu'à la mort du père Lev et au-delà, j'ai envie de dire. Oui, tout à ça fait. Ça va être quelque chose d'essentiel. Ils vont vraiment se soutenir mutuellement dans leur chemin de vie. Et en même temps, leurs théologies respectives vont aussi s'élaborer au fil de leur dialogue mutuel. Les 2 et 3 octobre 1993, s'est tenu un colloque consacré au père Lev Gillet à l'occasion du 100e anniversaire de sa naissance. Elisabeth Bersigel, vous n'êtes pas seulement l'inspiratrice de ce colloque sur le père Lev Gillet, mais vous êtes aussi l'auteur de ce beau livre, tout récent, Un moine de l'Église d'Orient. Alors, pourquoi ce colloque et pourquoi ce livre ? L'occasion de ce colloque, c'est que c'est le 100e anniversaire de la naissance de Père Lev. Je pense que c'est un homme dont il faut garder la mémoire, parce que je crois qu'il a été un des grands témoins du Christ dans le XXe siècle. Et cela, dans l'Église orthodoxe, mais au-delà de l'Église orthodoxe, pour l'ensemble des Églises chrétiennes. On ne peut pas entrer dans la prière de Jésus si l'on ne se met pas auparavant dans un état de réceptivité, d'offrande, d'ouverture à ce que j'appellerais la seigneurie de Jésus-Christ. Reconnaître d'abord notre dépendance absolue à l'égard du Christ Seigneur. Et nous engager dans cette prière, non pas selon notre fantaisie, au gré de notre fantaisie, mais en acceptant d'y être conduit par l'Esprit. Ensuite, le simple fait de répéter des mots comme Jésus, tout cela s'est déjà chargé d'un fond doctrinal très important. Vous prononcez le nom de Jésus, mais il faut que ce soit une expérience spirituelle. Jésus veut dire sauveur. Il faut que si nous employons ce mot Jésus, nous ayons à ce moment-là une certaine expérience spirituelle, une prise de conscience du phénomène, du fait du salut par la personne de Jésus-Christ, guérisseur des blessures physiques, des blessures morales. Le nom de Jésus, qui est le visage, si je puis dire, de Dieu, le visage du Père. Le Père n'a pas d'autre visage perceptible par nous, d'autre visage humain que le visage de Jésus. Donc, toute la doctrine, toute l'idée de Dieu se faisant homme, prenant une chair, est exprimée, suggérée par la prière de Jésus. Après la Deuxième Guerre mondiale, il a recommencé ou a commencé à publier des livres en français. Alors, ces livres en français, en partie, ont été écrits au Liban, parce que la jeunesse antiochienne, chrétienne, donc du Liban, était francophone, et en partie, elles ont été publiées pour le monastère de Chevetogne, enfin, elles ont été publiées par le monastère bénédictin de Chevetogne. Son œuvre qui a eu certainement le plus succès, qui a été traduite dans je ne sais combien de langues, c'est « Jésus, simple regard sur le Sauveur ». C'est un livre très simple, où, comme il disait, le cœur parle au cœur. Ce sont des méditations à la fois extrêmement simples, claires, cristallines, dans une langue qui est accessible à tous et très très profonde. Anderlecht, il y a eu bien sûr des personnages, Serge Bulgakov, comme le philosophe Berdiaev. Oui, effectivement, lors de son année d'études parisiennes, elle est amenée à rencontrer tout ce milieu de l'intelligentsia russe très bouillonnant. Notamment, en effet, le père Serge Bulgakov, avec qui elle va entretenir une relation d'amitié très profonde et aussi une relation spirituelle, j'ai envie de dire, parce que le père Serge est un petit peu comme son père spirituel et il a un rôle pastoral important auprès d'elle. D'ailleurs, ils vont entretenir une correspondance jusqu'à la mort du père Serge, qui va notamment beaucoup la soutenir pendant les années de guerre. À propos de Bulgakov, justement, c'est intéressant parce que c'est très bien montré dans votre livre que cette amitié avec le père Serge ne l'empêchait pas d'être, disons, assez réservé, pour ne pas dire critique, par rapport à cette sociologie qui lui était propre, n'est-ce pas, père Serge. Oui, donc elle était attachée à sa personne et elle se confiait à lui, mais en tant que théologienne, elle gardait son recul critique. Elle gardait tout à fait. Ce qui est tout à fait remarquable pour une jeune fille, pour une jeune dame de l'époque, n'est-ce pas, qui avait comme donc une grande lucidité intellectuelle. Oui, ça a été la première à écrire un article critique sur la sociologie du père Serge Bulgakov, en effet. C'est remarquable. Elle va aussi faire des voyages en Angleterre, d'abord pour voir sa famille, les Baird d'Angleterre. Oui, l'oncle de son mari. Mais aussi pour, évidemment, aller participer aux rencontres du Fellowship of St. Albans and St. Sergius, n'est-ce pas? Tout à fait. Ça, c'est juste après-guerre, c'est en 1947. Grâce au père Lève Gillet, qui lui est parti s'installer en Angleterre juste avant la guerre, oui. Elisabeth va être amenée à fréquenter le fellowship. Et elle ne sera pas toute seule de ce milieu orthodoxe français, puisqu'il y aura aussi Vladimir Lossky qui va aussi fréquenter le fellowship de façon assez systématique. Père Georges Florowski aussi. Tout à fait. Oui. Et donc elle va vraiment s'impliquer dans le fellowship. Dans lequel elle va... Qui concerne les contacts essentiellement avec, évidemment, l'Église anglicane. Oui, c'est le dialogue orthodoxe-anglican. Anglican et les orthodoxes. Absolument. Et elle va rencontrer, grâce à ses voyages répétés à Londres, le père Antoine Blum, qui deviendra Monseigneur Antoine. Elle va aussi rencontrer le jeune Timothy Ware, qui à l'époque est anglican, étudiant en théologie, qui va devenir Monseigneur Callistos Ware. Je me rappelle de la conférence de 1962, où il y avait Elisabeth, bien sûr, mais il y avait aussi déjà le Monseigneur Antoine, qui était déjà... Mais il y avait le jeune Timothy Ware, qui avait fait une excellente conférence sur la vénération des reliques dans l'Église orthodoxe, qu'il mettait en relation avec les icônes. C'était très, très bien. Et puis, à Paris, grâce à Contact, grâce à la fraternité, elle va devenir très amie avec Olivier Clément, avec le père Boris Bobrinskoy, qu'elle a connu tout adolescent à Nancy, puisqu'il faisait des séjours très fréquents chez les Mojaïski. Donc elle l'a connu quasiment depuis l'enfance, et elle va garder une amitié très très profonde jusqu'à la fin, puisqu'elle va aussi collaborer avec lui au sein de la paroisse de la Crête. De la paroisse, tout à fait. Elle va aussi avoir des liens d'amitié avec tout ce milieu parisien de la fraternité et de contact. Merci. La deuxième partie de cette émission vous sera présentée le dimanche 28 octobre à 9h30.